facile du verbe tubercule. J'ai les quinte de tout sur tout quand j'écoute de leur bas-cou l'éternel grincheux. Alors je l'ai pas un complexe, car j'aimerais encore mieux boire de l'eau à l'apéro, en être sobre à être sot, me lever tous les jours tôt, que ne me fallait ces fâcheux. Too.